chanter. Fini les romances, rien que du silence. Oh là là, musique. La música cobra les seves portes una vegada més i ho fa al vostre costat a través d'aquest espai, el nostre, el vostre, en el qual la música francesa, la música en francès, té tota la presència dins el nostre espai. Anem a gaudir-ne de la música, anem a gaudir de la companyia i ho farem amb artistes ben diversos. Avui comencem el nostre programa i ho fem amb la música que ens porta una excel·lent intèrpret que vam presentar en un sol dia amb el nostre programa i que a partir d'aleshores ens ha interessat també la seva música. Noven Leroy és la cantant, cantautora, instrumentista francesa que ens acompanyarà en el dia d'avui amb les seves cançons i ho farem des del 2012 on es va donar a conèixer, recordem, va saltar la fama aleshores després de guanyar la segona edició del concurs musical televisiu francès Star Academy, aquell 2002. 10 anys després va publicar l'àlbum que avui escoltarem, que avui repassarem, i ho farem a través d'aquest disc que va editar aleshores i que es deia com ella mateixa, No One Heroi. Treu una fam és el títol de la primera cançó que n'escoltem d'aquest disc. Pleine de sourires, pas de couronne, juste un avenir. Fait de sentiments, de rires d'enfants et de gestes touchants. Il y en a d'autres qui font souffrir, où l'on interdit le désir. Aimer simplement, il faut tout le temps se cacher d'être vivante. Être une femme sur la terre, qu'on soit reine, qu'on soit mère, ou pieds nus sans prière, on est toujours solitaire. Le manque d'amour nous rend fragiles. On marche souvent sur le même fil. Qu'est-ce qui nous attend au fil du temps quand s'effacent tous nos printemps? On est ce qu'on vit. Là-bas, ici, et la même chose nous unit. Être une femme sur la terre, qu'on soit reine, qu'on soit mère, ou pieds nus sans prière, on est toujours solitaire. Escoltarem algunes cançons d'aquest àlbum recopilatori publicat el 2012, poc després d'haver editat el seu primer disc en llengua bretona i abans del disc que va publicar Les noies de l'aigua, que va publicar-se també aquell 2012. Uns àlbums magnífics que ens portaven la seva música. Va debutar el 2003 en Nouwen, aquell àlbum que va ser número 1 a França i a Bèlgica, i després van seguir-ne uns quants que es troben resumits amb aquest disc en recopilatori. Una cançó que a mi m'ha encantat des del primer moment que la vaig escoltar va ser aquest Edruna Femme que acabem d'escoltar, i altres, com per exemple el senzill amb el que es va donar a conèixer, que va ser un número 1 a França a l'any 2003, i també número 1 a Bèlgica i un número 4 a Suïssa. Del seu àlbum de debut i senzill de debut, aquí escoltem la música de la Nouven. Je ne t'ai pas vu partir, ni entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire, après quelques années. Je ne t'ai pas vu partir, ton manteau est resté dans l'entrée. Depuis que je t'ai vu sourire, en me rendant les clés. Et après m'avoir dit en face, quatre ou cinq vérités, l'amour ça passe ou ça casse, mais comme c'est déjà cassé. Oh, cassé. Ça passera avec le temps, ou quelqu'un d'autre. Així estem escoltant amb aquesta noia. De fet, aquest disc, que és un recopilatori, està clarament inspirat, publicat el 2012 amb l'àlbum de debut de Nou Vent. Inclou les 12 cançons que formaven part del disc original realitzat el març de 2003 amb cançons dels millors compositors francesos com Laurent Voulzy, Lara Fabian, Pascal Obispo, Daniel Lavoie o Lionel Florence, entre d'altres. Aquesta artista avui ens acompanya amb la seva música i ho fa, com us hem comentat, des de la Bretanya. Ella és una cantant bretona, nascuda el 28 de setembre de 1982, i també la música celta ha format part important de la seva vida, a part d'instruments com el violí, com l'arpa celta o les flautes celtes. La Nolven, si es pronuncia d'aquesta manera amb bretó, que ho desconec, doncs ens porta aquestes cançons que, de fet, podríem dir que són part dels senzills publicats amb el seu primer àlbum, aquest àlbum de debut de 2003. Per tant, escoltarem els dos altres senzills que també es van publicar d'aquest disc. Una cançó que he triat jo, la primera, i els tres senzills, aquest tema que acabem d'escoltar, que va rebentar les llistes de ràdio, una cançó al número directe, i els altres dos senzills del disc d'aquesta magnífica intèrpret que avui ens acompanya a Olala Music. Dans mon cœur, une femme qui attend le bon moment et l'heure pour offrir ses présents. Il y a dans mes yeux bien assez de tourments, de courage et d'aveu pour dire ce que je pense. Une femme cachée à l'intérieur de moi, une femme cachée prête à tous les combats, voudrait qu'à son réveil tu entendes sa voix et que tu sois là. Je veux crier avec ou sans violence mon cœur. Une femme qui danse, heureuse du bonheur, de sortir de General, la música des de la Bretanya, que ens ha acompanyat amb un artista que la tindrem present també en més programes aquí a casa nostra. Bé, més programes que ens aportarà gent com, per exemple, una formació que ara ens arribarà en els propers minuts des del Quebec. Escoltarem la música que ens condueix una formació que es diu Acajun. Va publicar dos àlbums, aquesta formació, un el 2009 i l'altre el 2013. És una banda que es va fundar el 2005, cinc músics de la regió sud-est de Nouveau-Brunswick, i que té una barreja amb el seu estil, amb influències de música country, música acadiana, acadien, tradicional, i també de rock and roll. Un grup que ens portava una varietat d'espectacles i festivals de tota aquesta regió. Se'n van portar un premi important, s'ha dit, per una emissora de la zona de Moncton, i això li va permetre enregistrar el seu primer àlbum amb George Valivo, amb els membres Terry Maurice Melanson, Raymond Comier, Jean-Marc O'Brien, Alexandre Landry. Ens arriba la música de Acajun, d'aquesta formació. Escoltem una cançó del seu primer disc, que es va publicar l'any 2009. Serà Jo marxaré sol. Je ne savais plus quoi te dire quand tu étais si près, mais bien qu'un beau souvenir. Tu appelais ton nom, mais rien que du silence. Et qu'est-ce que j'aurais fait pour voir ton beau. Je serai toujours seul sans toi. Tu ne seras jamais plus avec moi. Et quoi que je ne te verrai plus jamais, je penserai toujours à comment ça serait si jamais tu revenais. Passé ne peut jamais effacer la voile qui cache tes yeux, ne saura m'échapper. Essaye d'oublier le passé, les vents froids enlèvent mes pensées. Tu resteras avec moi dans mon présent et mon passé. Seul sans toi, tu ne seras jamais plus avec moi. Et quoi que je ne te verrai plus jamais, je penserai toujours à comment ça serait si jamais tu revenais. J'irai toujours seul sans toi. Tu ne seras jamais plus avec moi. Et quoi que je ne te verrai plus jamais, je penserai toujours à comment ça serait si jamais tu revenais. Je pense. pense qu'on serait dû pour une belle vacance. Même si ça serait pas une vacance permanente, on n'aurait pas besoin de faire le tour du monde. On reviendra quand on aura plus d'argent. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Serais-tu pas le fun d'aller se promener? Serais-tu pas le fun d'explorer? Aller en quelque part qu'on n'est jamais allé. Aller jusqu'il fait chaud toute la journée. Ce serait-tu pas le fun d'aller se promener? Ce serait-tu pas le fun de voyager? Juste moi pis ma belle en train de danser sur le bord de l'eau, est-ce qu'il fait beau? Le lundi matin, ta mère a dit qu'à prendre garde aux chiens. Serais-tu pas le fun d'aller se promener? Serais-tu pas le fun de voyager? Juste moi pis ma belle en train de danser sur le bord de l'eau, est-ce qu'il fait beau? Ens divertim moltíssim, ens estem divertint molt amb la música d'aquesta formació Akajun, que ve del Quebec i que hem escoltat un tema de cada un dels àlbums. Aquest pertanyia al segon disc publicat amb aquest estil de folk, de música, de country fins i tot, que ens arribava des de el Quebec al Canadà. Un aire fresc, es diu el disc aquest que ens portava. Després d'aquesta cançó, una darrera que volem escoltar també d'aquest segon disc amb aquesta formació, i arribem a la meitat d'Ola la Music per aquesta setmana. Música del record tindrà presència després de la col·laboració de l'Àngel Rodríguez, que arribarà després d'aquesta cançó. La peça es diu Jetem. Voici ma façon avec cette chanson de te faire sourire.

rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, c'est juste toi et moi. Près d'ici ou là-bas, sans règle, digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. C'est juste toi et moi. Près d'ici ou là-bas, sans règle, digne et sans foi. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va. Esteu escoltant Ulala Music. Des del 1972, una artista anglesa nascuda a Ewell el 15 de novembre de 1932, cantant, actriu i compositora, la Petula Clark, millor coneguda per les seves exitoses cançons als anys 60, en especial aquell Downtown, amb vendes de més de 70 milions de discos arreu del món, i a més, una família plegada d'artistes i que ens va cantar cançons en multitud de llengües, especialment en anglès, però moltíssimes, i triomfant a més, als anys 60, canta en francès, també va cantar en alemany, en italià i fins i tot també va cantar algunes cançons com aquell Què tal Dolly que va versionar en castellà. Aquest disc que escoltem, la chanson de Madeleine Lail, em penso que es deia, ara us ho dic de ben segur, la chanson de Marie Madeleine, exacte. Era un disc publicat l'any 1972 que recollia alguns singles publicats entre aquells anys 71-72 i que ens aportava. C'est toujours l'heure de l'amour era el primer tema que escoltem. En repassem alguna, com hem dit, a través del nostre programa. La bruma de Filadèlfia n'és una altra de les cançons que destaquem i també la Chang-Ella. Je me souviens d'un jour toujours le même. Je me souviens d'un amour toujours le même. Je savais qu'il était tout pour moi. Maintenant, comme c'est loin déjà, les jardins de la vie s'ouvraient pour nous. Les lumières de la nuit brillaient pour nous. Il voulait danser jusqu'au matin. Maintenant, comme je me sens loin, loin de la brume de la ville de Philadelphie, loin des couleurs de la ville de Philadelphie, loin des couleurs de la ligne de Philadelphie. Quand le vent se perdait dans ses cheveux, mes yeux cherchaient le chemin de ses yeux. J'aimais bien quand on ne faisait rien. Maintenant, comme je me sens loin, loin de la brume de la ville de Philadelphie, loin des couleurs de la ville de Philadelphie, loin des couleurs de la lune de Philadelphie. Ma vie s'est envolée avec l'hiver, comme une bulle de savon au fil de l'air. À jouer de feuilles de thé. La chance est là, la chance est là. Les astres prédisent, la chance est là. Les cartes les disent, la chance est là. Pourtant je me sens malheureuse, j'ai des tas de soucis. Contre la vie des autres femmes, j'échangerai bien ma vie. La chance est là. Cançons que hem recordat d'aquest àlbum de la Petula Clark, aquest en disc de l'any 1972, cantant en francès les chansons de la Marie Madeleine, es deia aquest àlbum. Després de la seva música, una de les cançons que ens va deixar la nostra ex-col·laboradora, que ja no està entre nosaltres. Una cançó, la Norma ens aportava, ens recomanava en el seu moment, una cançó de la Florent Pagny, que té una veu preciosa. Aquesta és la cançó que en el seu moment ens en va recomanar la Norma. Et un jour, un fan. Jusqu'au bout du monde.

Acabem i ens acomiadem fins a la propera setmana o la Music. Avui hem escoltat la música de la cantant bretona Northern Leroy del grup quebequès Agajun, recordant la britànica Petula Clark, i hem acabat amb el jazz, aquest jazz vocal de Thérèse Montcalm, amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, i ens acomiadem fins al final del nostre programa amb Michel Rivard i aquest Quel Tristesse, un tema que ens acompanya per acabar el nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí, hola la Music. Us recordo una vegada més que si us voleu posar en contacte en qualsevol moment amb el nostre programa, ens passeu un WhatsApp, una nota de veu amb el telèfon que ara mateix us donarem, que us podeu apuntar per estar sempre al costat nostre, demanant-nos les cançons que vulgueu. Només heu de fer que enviar-nos una nota de veu al 644 40 83 24. En repetim, 644 40 83 24. Serà fins la propera. Adéu-siam. Il arrive sous, il n'y prend pas la peine d'y gagner un sou. Tous les jours de la semaine, il arrive sous. Oh ma femme, tu me grondes bien mal à propos. Tu sais bien qu'un homme n'est pas sans défaut. Tu sais que je suis jeune et que j'aime le plaisir. Oh viens dans ma bouteille, viens dans m'y réjouir. Viens dans ma bouteille, viens dans m'y réjouir. Quant à ta bouteille, je n'en dirai rien. C'est quand tu vas voir la fille du voisin. Oh, la jolie fille, parce qu'elle est jolie. Une fois par semaine, je vais lui faire un tour. Oh, la jolie fille, parce qu'elle est jolie. Une fois par semaine, je vais lui faire un tour. Trinquons ma petite femme, trinquons tous les deux, assis à la table comme des amoureux. J'ai la gorge sec, je ne peux plus chanter.